chaque fois qu'elle m'appelle, j'ai envie de tout recommencer. Je ne peux pas vivre sans elle. Pour moi, elle n'est jamais partie. Pour moi, elle reste la plus belle, le dernier cri de ma vie, de ma vie. Je voudrais partir loin d'ici.